إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, بإذن الله تعالى, on continue l'explication en langue française du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم, parmi les trésors du Saint-Coran, du Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. On s'est arrêté à Surat Muhammad, et le verset choisi par le Cheikh, c'est le numéro 24. يقول الشيخ قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Subhanallah. Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Yaqul al-shir ankarullahu fi hadhihi al-ayati 'ala al-mu'ridin 'an tadabbur al-Qur'an wa i'radihim 'an tadabbur ma fihi min al-'ibar wal-zawajir wal-'ibat التي تحملهم لو تدبروها على ترك ما هم عليه من الباطل، وأخبر أن الذي حال بينهم وبين ذلك ما كان على قلوبهم من أقفال تحول دون دخول الخير إليها وخروج الشر منها. Le Cheikh nous dit qu'Allah Azza wa Jal a réfuté ceux qui se sont détournés de la méditation du Coran, leur détournement, leur rejet, subhanallah, de méditer le Coran et de méditer tout ce qui se trouve dans le Coran comme leçon, comme rappel, comme appel à la réflexion, comme se remettre en question, comme les exhortations, etc. Tout ce qui se trouve dans le Coran et qui appelle l'homme à réfléchir de façon générale, et que si ils avaient médité sur ce Coran, ils avaient médité sur tout cela, alors ils auraient délaissé sur ce quoi ils sont comme faux. Et également Allah Azza wa Jal dans ce verset, lorsqu'il dit Am ala qulubin aqfaluha, il nous dit en fait qu'il y a entre le Coran et entre la méditation du Coran et entre leur cœur quelque chose qui vient s'interposer, comme un mur, comme un rempart, comme un voile. Et c'est en fait, c'est-à-dire des cadenas. Aqfaluha, al-aqfal, qui est bien sûr le pluriel de qaf, et qui est le cadenas. Les cadenas, donc, ils ont entre leur cœur et la méditation du Coran ce qui vient s'interposer. Il y a ce qui vient s'interposer. Et c'est ici des cadenas, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans ce verset. Et donc, ces cadenas viennent faire obstruction à la méditation du Coran. Ils ne peuvent méditer le Coran. Et donc, il n'y a pas de bien qui va y rentrer, c'est-à-dire dans leur cœur, et il n'y a pas le mal qui va sortir de leur cœur. Abadan. Le bien n'y rentre pas et le mal n'y sort pas. Ensuite, il nous rappelle une parole d'Ibn Jarir, al-Tabari, imam al-Mufassirin, dans son tafsir. Il dit, rahimahullah, يقول تعالى ذكره أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله فيعلم بها خطأ ما هم عليه مقيمون أم على قلوب أقفالها يقول أم أقفر الله على قلوبهم فلا يقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر. Donc Ibn Jarir, il nous dit que ces gens-là, c'est-à-dire bien sûr, il dit ici هَؤُلَا الْمُنَافِقُونَ, les hypocrites, s'ils avaient médité sur les exhortations d'Allah Azzawajal, sur les rappels qu'Allah Azzawajal a fait dans son Coran, à travers bien sûr les versets du Coran qu'il a fait descendre sur son prophète, et qu'ils avaient réfléchi sur les arguments, sur les preuves dont Allah Azzawajal a cité et a mis en évidence et a éclairci dans son Coran, alors ils auraient su l'erreur dans laquelle ils sont. Mais am ala qulubin aqfaluha, il dit am aqfalallahu ala qulubihim, est-ce qu'Allah Azzawajal donc a mis des cadenas sur leur cœur? Fala yaqilun, donc ils ne peuvent réfléchir sur cela, ils ne peuvent méditer, ils ne peuvent se rappeler ce rappel qui leur serait profitable et qui contient bien entendu des exhortations, des rappels, des leçons, etc. Et ensuite le shir nous cite certains versets qui viennent dans le même sens que le verset cité ici. Et à titre d'exemple, il nous cite le verset Fussurat Sad et le verset 29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Liyadabbaru ayati, afin qu'ils méditent sur ces versets. Wa liyatadhakkara ulul albab, afin que les doués d'intelligence réfléchissent. Également un autre verset qui nous cite et qui va dans le même sens, sur sourate An-Nisa, et qui est le verset 82. يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et non. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si ce livre était un autre que le livre d'Allah Azzawajal, que la parole d'Allah Azzawajal, alors ils auraient trouvé certainement des contradictions, et beaucoup. Et il nous cite encore certains versets, le shir, qui sont tous dans le même sens. Ensuite il passe à surat al-Fath, surat al-Fath. Le verset qu'il va choisir, hafidhahullah, le shir, c'est le numéro 29. Fayaqul le shir, qawluhu ta'ala, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله, محمد المسجد الله, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah. Telle est leur image dans la Torah. ومثلهم في الإنجيل, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile, كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. يعجب الزراع à l'émerveillement des semeurs. ليغيظ بهم الكفار, et par eux, c'est-à-dire Allah Azzawajal par eux, c'est-à-dire les croyants, remplit de dépit les mécréants. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Et Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir? يَقُولُ اِشْتَمَلَتْ هذه الآية الكريمة على بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثنائه تعالى عليهم في التوراة والإنجيل. Ce verset comprend le mérite des compagnons du prophète et l'éloge qu'il aurait fait dans la Torah et également dans l'Évangile. Non seulement Allah Azzawajal a mis en évidence dans le Coran, il a mis en évidence également par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam le mérite de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éloge qu'il a fait également. Non seulement dans le Coran et la Sunna, et également dans la Torah et dans l'Évangile. Et également dans la Torah et également dans l'Évangile. وَأَنَّهُمْ أَهْلُ الصَّلَاةِ وَعِبَادَةٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ. Ils sont des gens qui sont des gens de prière, qui sont des gens d'adoration pour ce qui est entre eux et leur Seigneur. وَذَوُ رِفْقٍ وَلِينٍ وَتَرَاحُمٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Et ils possèdent douceur, clémence, bienfaisance entre eux. وَشِدَّةٍ وَقُوَّةٍ فِي جِهَادِ الْكُفَّارِ. Et qu'ils possèdent dureté et force dans le djihad, dans la guerre sainte contre les kuffars, contre les mécréants. وَأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالتَّآلُفِ فِي مَا بَيْنَهُمْ وشدة في جهاد أعدائهم يبتغون الفضل من الله والرضوان وأنهم فيما يتصفون به من القوة وشدة في جهاد أعدائهم يغيظ الله بهم الكفار وأن الله عز وجل وعدهم المغفرة لذنوبهم. Et également donc ils font ce qu'ils font comme adoration et comme rapprochement, c'est-à-dire un rapprochement fraternel, une union harmonieuse entre eux. Ça c'est entre eux, alors que par rapport à leur ennemi, ils ont la dureté, ils sont durs envers leur ennemi, dans la guerre contre leur ennemi. Et dans tout cela, يَبْتَغُونَ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَالرِّضْوَانِ. Et ils espèrent dans tout cela la grâce d'Allah Azzawajal et l'agrément d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَأَنَّهُمْ فِي مَا يَتَّصِفُونَ بِهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالشِّدَّةِ فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِمْ يَغِيظُ اللَّهُ بِهِمَ الْكُفَّارِ. Et donc, de par ces caractéristiques par lesquelles ils sont décrits comme force et comme dureté dans la guerre sainte contre leurs ennemis, Allah Azza wa Jal donc de par cela remplit de dépit les mécréants. Yaridullahu bihim al-kuffar. Et ensuite, ce qui est également cité dans le verset, wa anna Allah Azza wa Jal wa'adahum al-maghfirata lidhunubihim wal-ajra al-azima alladhi fihi rif'atuhum wa 'ulu darajatihim. Et également il nous dit le shir qu'Allah Azza wa Jal leur a promis, comme c'est dans le verset, le pardon de leurs péchés. Il leur a promis le pardon de leurs péchés, des péchés qu'ils ont faits. S'ils en ont fait, Allah Azza wa Jal leur pardonne, et une énorme récompense. Et dans cette grande récompense se trouve leur élévation en degré. Qawluhu Muhammadun Rasulullah Mubtada wa Khabar. Le shir donc il revient ici à une règle qui est plus qu'élémentaire dans la grammaire pour nous dire que Muhammadun c'est le Mubtada, ce qu'on appelle le Mubtada au niveau de la grammaire, et ensuite Rasulullah c'est le Khabar. Donc Muhammadun Rasulullah. Donc ici une information nous est donnée. Lorsque Allah Azza wa Jal cite son nom au prophète Muhammadun, ensuite il nous précise que c'est Rasulullah. Donc c'est un khabar. Aou Rasulullahi wasfun. Ou bien il est également possible de dire que Rasulullah c'est une wasf, c'est-à-dire c'est un descriptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walladhina ma'ahu ma'tufun 'ala al-mubtada. C'est-à-dire que ensuite dans la suite du verset walladhina ma'ahu c'est relié, c'est coordonné donc au mubtada et qui est donc ici Muhammad. والخبر أشداء على الكفار رحماء بينهم. Et donc le khabar de والذين معه, c'est-à-dire ceux qui sont avec le prophète, le khabar c'est la phrase suivante: أشداء على الكفار رحماء بينهم. Ils sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Le shir nous dit وَمَثَرُ هَذِي الْآيَةِ فِي التَّرَاحُمِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَشِدَّةِ عَلَى أَعْدَاهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ça c'est surat Al-Ma'ida, c'est le verset 54. يا أيها الذين آمنوا, ô les croyants, من يرتد منكم عن ديني, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? فسوف يأتي الله بقوم. Allah va faire venir un peuple. Quelles sont les caractéristiques de ce peuple? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Qu'il aime et qu'il aime. Qu'il aime et qu'il aime. Un peuple qui aime Allah Azzawajal et dont Allah Azzawajal les aime. Aime ce peuple. Adhillatin ala al-mu'minin. Ils sont modestes envers les croyants. Humbles devant les croyants. Adhillatin ala al-mu'minin. A'izzatin ala al-kafirin. Alors qu'ils sont fiers et puissants envers les mécréants. Yujahiduna fi sabilillah. Ils luttent, ils combattent dans le sentier d'Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im. Et ils ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. Il dit le shir en portant une parole de son shir Muhammad al-Amin al-Shanqit dans son livre ou dans son tafsir Abwaul Bayan. Il dit shir Muhammad rahmatullah alayh أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن يرتد بعضهم فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين والتواضع لهم ولين الجانب والقسوة والشدة على الكافرين وهذا من كمال صفات المؤمنين. Donc le shir nous rappelle ce qui est présent dans ce verset, le fait que les croyants et que leur caractéristique c'est qu'ils sont trop modestes. Ils sont modestes entre eux, les croyants, et qu'ils sont cléments et qu'ils sont doux, contrairement à leur position par rapport aux mécréants, et qu'ils font par rapport à eux preuve de dureté. Et ceci, il dit wa hadha min kamali sifat al-mu'minin. Ça fait partie des caractéristiques parfaites des croyants. C'est une perfection au niveau, bien sûr, en tant qu'humain, dans la caractéristique des croyants. Wa bi hadha amara Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est cité dans le verset, il nous dit le shir que c'est ce que Allah Azzawajal a ordonné à son prophète. Dans un premier temps, bilin al-janib lil mu'minin, qu'il soit doux envers les croyants. Et cela dans plusieurs des versets. Un des versets qu'il cite le shir est le suivant. Wakhfid janahaka lil mu'minin, c'est-à-dire abaisse ton aile pour les croyants. Abaisse ton aile pour les croyants. C'est-à-dire donc sois humble, sois modeste, soit doux envers les croyants. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il y a un autre verset qu'il cite également. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et abaisse ton aile pour ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Ça c'est pour les croyants. Et c'est l'ordre d'Allah Azzawajal envers son prophète, qu'il a donné à son prophète. Et pour ce qui est des croyants, il dit وَأَمَرَهُ بِالْقَصْوَى عَلَى غَيْرِهِمْ. Et il lui a Allah Azzawajal a ordonné à son prophète sallam d'être dur envers les autres que les croyants. Dans sa parole, bi qawlihi ya ayyuhan nabiy yujahid al-kuffara wal munafiqin waghrud 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir. Ya ayyuhan nabiy yujahid al-kuffar. Ô prophète, ô envoyé, lutte contre les mécréants, jahid al-kuffara wal munafiqin, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Et sois rude à leur égard. Waghrud 'alayhim. Waghrud 'alayhim. Et sois rude envers eux. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir. Et leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Wa athna ta'ala 'ala nabiyyi bilin lil-mu'minin fi qawlihi fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid al-qalbi lanfaddu min hawlik. Et dans ce verset, Allah Azzawajal a fait l'éloge de son prophète, de son envoyé, lorsqu'il a été doux et miséricordieux envers les croyants. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمِنْتَ لَهُمْ. c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah Azzawajal que tu as été doux envers eux. Lintalaum, walau kunta fadhan, et si tu aurais été, dans le cas où tu aurais été rude au cœur dur, lanfaddu min hawlik, ils se seraient donc dispersés, enfuis de ton entourage. Et ensuite il dit, وَصَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ لِينِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَشِدَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ مِنْ صِفَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِ. Il nous dit qu'Allah Azza wa Jalla a donc mis en évidence et de façon claire, de façon explicite, que ce qui est compris donc dans le verset que l'on étudie comme étant doux envers les croyants et dur envers les mécréants, ça fait partie des caractéristiques du prophète et de ses compagnons. Et lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jalla, Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Ensuite il nous dit, le Cheikh, Cheikh Abdel Mohsin, ما جاء في هذه الآية من أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرفق ولين للمؤمنين وشدة والغضبة على الكفار والمنافقين هو لأمتي أيضا لأن الأصل في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه له ولأمته إلا إذا دل دليل على تخصيصه بالحكم وقد أمر الله المؤمنين بجهاد الكفار والغضبة عليهم فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غضة. Donc il nous dit, le Shir, que dans ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il ordonne à son prophète d'être doux envers les croyants et d'être dur envers les mécréants et les hypocrites, il dit que cet ordre est non seulement pour le prophète, et également il est pour toute la communauté musulmane. En nous rappelant cette règle qu'on en a déjà vu dans des cours parmi les trésors du Coran, que l'origine fil khitab, c'est-à-dire dans ce qu'Allah Azza wa Jal enseigne à son prophète, que ce soit un ordre. Donc on avait vu que le khitab, dans le khitab, en ce terme-là, il rentre l'ordre. Il rentre également l'interdiction. Le khitab, c'est général. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète et que dans cela, on trouve soit un ordre, ou soit une interdiction, ou soit ce qui est recommandé, ou soit ce qui est déconseillé. Tout ça, ça rentre dans le terme al khitab. Et donc, lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète, il s'adresse à lui et il s'adresse également à toute sa communauté, à toute la communauté du prophète. Du vivant du prophète, après le prophète, après la mort du prophète, jusqu'à nos jours et jusqu'au ila yawm al-qiyamah, jusqu'à la fin des temps. Donc chaque khitab, c'est pour le prophète sallam et également pour sa communauté, sauf s'il y a une preuve qui vient nous prouver que cela est particulier au prophète, que c'est exceptionnel pour le prophète, donc au niveau du jugement, au niveau de la loi. Si on n'a pas une preuve, alors chaque khitab, c'est non seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, valable pour le prophète, mais également valable pour toute la communauté. Et c'est le cas ici, lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète d'être doux envers les croyants et d'être dur envers les mécréants. Et ensuite, donc, il nous dit, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ, Allah Azza wa Jal a ordonné les croyants de combattre les mécréants et d'être dur envers eux. Lorsqu'il a dit dans son livre, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. Il explique la suite du verset, le Cheikh, et il dit سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Au niveau du terme سِيمَاهُمْ, donc السِيمَا, il y a deux interprétations qui sont données par les savants et dont nous rappelle Ibn Kathir dans son tafsir. Le premier, c'est celui de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, et qui dit que as-sima, c'est as-samt al-hasan, as-samt al-hasan, c'est-à-dire l'aspect, la manière d'agir ou la façon d'agir qui est noble, qui est noble, as-samt al-hasan. Ça, c'est l'explication qui est donnée par Ibn Abbas dans le terme Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Et une autre explication qui nous est donnée, et qui est la parole de Mujahid et d'autres également, ils l'expliquent par al khushu' wa tawabu', c'est-à-dire ma'na simahum khushu'uhum wa tawabu'uhum, c'est-à-dire l'humilité qu'ils ont, la modestie qu'ils ont. Ça, c'est la deuxième explication qui nous est donnée pour le terme Simahum. Et ensuite, il va nous rapporter des paroles des salaf par rapport à ce verset. C'est-à-dire, si ma'hum fi wujuhihim min athari sujud. Parmi les athars qu'il nous rapporte le shir, la parole de Suddi, yaqul as-salatu tuhassin wujuhahum. C'est-à-dire, la prière embellit leur visage. As-salatu tuhassin wujuhahum. C'est-à-dire, donc, la prière embellit leur visage. Wa qala ba'du as-salaf, man kathurat salatuhu bil-layl, hasuna wajhuhu bin-nahar. Celui dont ses prières sont nombreuses durant la nuit, alors son visage s'embellit durant le jour. Son visage s'embellit durant le jour. Hasuna wajhuhu bin-nahar. Ça, c'est pour celui dont il fait beaucoup de prières durant la nuit. Ça, c'est la parole de certains salaf. Wa qala ba'duhum, et d'autres ont dit salaf, parmi les salaf, inna lil hasanati nuran fil qalb. Il y a, par rapport à la bonne action, une lumière dans le cœur. Nuran fil qalb. Wa biya'an fil wajh. Également une lumière ou ce qui resplendit sur le visage. Wa si'atan fil rizq. Et également une largesse, une abondance dans la subsistance. Wa si'atan fil rizq. Nam. Wa mahabbatan fi qulub an-nas. Wa mahabbatan fi qulub an-nas. Et un amour dans le cœur des gens. Ensuite, il rapporte une parole de Amir al-Mu'minin Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Yaqul: "Man asarra ahadun sariratan illa abda Allah 'ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi." Donc celui qui a fait une chose en secret, c'est-à-dire une chose qui va être donc intime, une chose qui reste intime et qui reste au fond de son cœur, il dit qu'Allah azza wa jall fait apparaître cette chose sur les traits de son visage, safahat waji, sur les traits de son visage, et également sur les bévues de sa langue, wafalatat lisani, lorsque la personne fait une bévue, lorsqu'il sort de sa langue ce qu'il n'a pas voulu dire. Waqal, et ensuite il a dit, fassahabatu radiyallahu ta'ala anhum, khalasat niyatuhum, wa hasunat a'maluhum, fa kullu man nazara ilayhim a'jabuhu fi simatihim wa hadihim. Il nous dit également que les compagnons, qu'Allah les agrée, lorsqu'ils ont eu une intention qui était pure, qu'ils ont travaillé leur intention jusqu'à ce qu'elle est devenue pure, et qu'ils ont fait leur action de la meilleure des façons, qu'ils ont embelli leur action pour Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que cela a engendré ? فَكُلُّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ أَعْجَبُوهُ فِي سِمَاتِهِمْ وَهَدِيهِمْ. Tous ceux qui les ont regardés, tous ceux qui les ont vus, ils ont été étonnés, de par donc leur aspect et de par leur conduite. Ils ont été étonnés et ils les ont aimés. Il dit l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Malik, rahmatullah alayhi, il nous dit, balagani, il m'est venu, donc une information qui m'est venue, anna an-nasara كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة ولهذا قال هاؤنا ذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. طيب, il nous dit donc l'imam Malik, qui lui est advenu comme information que les chrétiens, lorsque les, vous savez que les sahaba, vous savez que les compagnons, ils ont ouvert Al-Sham, ce qu'on appelle Al-Sham, donc la Syrie, la Palestine, etc., la Jordanie, tout ce qui rentre en fait dans, aujourd'hui, dans ce qu'on appelait à l'époque Al-Sham. Et donc lorsque les compagnons ils ont ouvert ces contrées, et bien sûr se trouvaient au Sham beaucoup, même en majeure partie des Nasara, des chrétiens. Lorsque les chrétiens ils ont vu les compagnons, ils ont juré par Allah, ils ont dit wallahi li ha'ula'i khayrun min al-hawariyyin fima balaghana. Al-hawariyyin sont bien sûr les apôtres qu'ils ont vécu avec Isa, avec Jésus alayhi salam. Ils ont juré que les informations qu'ils ont eues des apôtres, elles n'ont pas été meilleures que que ce qu'ils ont vu sur les compagnons. C'est-à-dire, ils ont vu dans les compagnons des choses qui sont encore meilleures dans ce qu'ils ont su par rapport aux apôtres. Ceux qui ont bien sûr accompagné Isa, alayhi salam, Jésus, alayhi salam. Wa sadaqu fi dhalik. Ils ont dit la vérité lorsqu'ils ont dit cela. Ils ont dit un sitre, ils ont dit la vérité. Parce que cette communauté, elle est mu'azzama, c'est-à-dire elle est rendue grande dans les livres qui l'ont précédé. Et comme on l'a vu donc dans ce verset, comme on le voit dans ce verset, comme c'est cité dans la Torah, et comme c'est cité également dans l'Évangile, et que les meilleurs de cette communauté, ce sont bien sûr les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qu'Allah azawajal les agrée tous. Et c'est donc pour ça lorsqu'il nous cite le verset, et le verset que l'on étudie, Matharum fi Torah. Donc l'exemple qu'on a donné, c'est ce qui se trouve dans le Torah. Et ensuite le deuxième exemple qui a été donné dans le verset, c'est ce qui se trouve dans l'Évangile. Wa matharum fi l'Injil. Et donc il revient à ce verset, Zalika matharum fi Torah. Donc c'est leur exemple et c'est l'image qui est donnée de ses compagnons dans la Torah. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. Donc il nous explique donc le verset ici en disant que الشطأ أي فراخه أي فراخه أو فراخه. Et donc c'est la pousse comme c'est traduit. فأزرعه أي شدّه أي شدّه. C'est-à-dire qu'elle est devenue dure, raffermie. Fastarrava, c'est-à-dire donc ensuite elle s'est épaissie. Ey Shabba wa Ta'ala, elle s'est épaissie, elle a grandi. Fastawa ala souqi, fastawa ala souqi. Donc ensuite elle s'est dressée sur sa tige. Yu'ajibu zurra'a, yu'ajibu zurra'a, à l'émerveillement des semeurs. Fakadhalika, de même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même les compagnons du prophète, ils ont été raffermis, ils ont été aidés et la victoire leur a été donnée. Donc ils sont comme ce qui était cité par rapport donc à cette semence, subhanallah. Ensuite il dit le shir wa qawluhu liyariza bihim al-kuffar, liyariza bihim al-kuffar. Et donc on a vu la traduction, c'est-à-dire qu'Allah par eux, c'est-à-dire par les croyants, ici par les compagnons, remplis de dépit les mécréants, que ce soit bien sûr les compagnons et également les croyants. Il dit هذا أشد شيء على الرافضة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويتبرؤون منهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Il dit que ce verset-là, c'est l'un des plus durs versets contre qui ? Contre Ar-Rafida. Contre Ar-Rafida. Contre, c'est-à-dire, les Rafidites. Contre les chiites. Ça, c'est le plus dur des versets contre eux. Pourquoi ? Parce que eux, qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawajal dans ce verset ? Par eux, par les croyants, par les compagnons, il remplit de dépit les mécréants. C'est-à-dire, il met la haine. Il met la haine dans leur cœur contre compagnons, et il dit que Rafida, comme cela est connu, yubribuna sahaba, il déteste les compagnons, et il les insulte, et il se désavoue d'eux. Et à leur tête, bien sûr, al-khurafa al-rashidun, c'est-à-dire les califes bien guidés, et bien sûr Abu Bakr et Omar ou Othman, radiallahu ta'ala anhum, qu'Allah azawajal les agrée. Regardez ce qu'il dit Ibn Kathir. يقول ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال لأنهم يغضونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. ينودي ابن كثير que l'imam مالك رحمه الله تعالى intaza'a, c'est-à-dire istakhraja, c'est-à-dire qu'il a déduit du verset qu'on est en train d'étudier, et plus précisément cette partie du verset, liyariza bihimul kuffar. Il a déduit l'imam Malik dans une des versions, c'est-à-dire dans une de ses paroles, que ar-rawafid, ce sont des kuffars, ce sont des mécréants. بتكفير الروافض. Pourquoi? Parce que الروافض, الرافضة, les chiites, ils détestent les compagnons. Ils détestent les compagnons. Et bien sûr, lorsqu'on dit les chiites ou qu'on dit Rafida de nos jours, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que l'on dit le terme chiite ou qu'on dit le terme rafidite, ce sont les mêmes. Et pourquoi cela? Il nous explique l'imam Malik. Pourquoi? Parce qu'ils détestent les compagnons. Ils détestent les compagnons. Ils ont du dépit contre eux. Ils sont remplis de dépit. Ils les détestent. Et il nous dit, celui qui déteste un des compagnons, celui qui a du dépit contre un des compagnons, alors il est un kafir, il est un mécréant, de par ce verset-là. De par ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal yakul, liyariza bihim al-kuffar, c'est-à-dire de par les compagnons, Allah Azzawajal remplit de dépit les mécréants. Il a dit qui les mécréants? Al-kuffar. Et donc, par déduction, l'imam Malik nous montre et nous démontre ici que Ar-Rawafid, les chiites de nos jours, ce sont des kuffars, ce sont des mécréants, dans une de ses paroles. Une grande partie des savants ont été d'accord avec lui, avec l'imam Malik, dans cela. Et également parmi les savants contemporains, et qui ne voyaient pas que ces gens-là, ce sont des musulmans, qui disaient même qu'ils ne sont même pas, ils n'ont même pas grandi dans une religion qui s'appelle l'islam, parce que leur religion c'est une religion autre que l'islam, et même s'ils s'appellent comme étant des musulmans, Samahat al-Shir Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire le grand savant, le grand mufti précédent de l'Arabie Saoudite, et qui est Shir Abdelaziz ibn Baz, il ne voyait pas que les chiites sont des musulmans, donc des mécréants. Ensuite le shir il dit wal ahadith fi fada'il as-sahabah wa an-nahy 'an at-ta'arrub ilayhim bi masa'ati kathirah wa yakfihim thana'ullah 'alayhim wa ridahu 'anhum. Il nous dit bien sûr le shir que le mérite des compagnons, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et également dans la sunna, l'interdiction d'aller à leur rencontre, c'est-à-dire par rapport le fait de parler sur leur par rapport à leur honneur, etc., le fait de les insulter, etc., c'est strictement interdit. Et il dit, il suffit les éloges d'Allah Azzawajal qu'il a fait de ses compagnons dans son livre et autres. وَيَكْفِهِمْ ثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ عَنْهُمْ. Et qu'Allah Azzawajal les a agréés. Comme cela est présent dans beaucoup de versets du Coran, et comme cela est présent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les plus grands, ou parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam les plus connues, ce hadith qui est bien sûr muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi, c'est-à-dire il nous interdit la tasubbu ashabi, ne dites pas du mal et n'insultez pas mes compagnons. Falaw anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, si l'un d'entre vous avait dépensé ce qui équivaut à Uhud, à la montagne d'Uhud, comme dhahab, comme or, ma balara mudda ahadim wala nasifahu, cette montagne équivalente d'or, elle n'aurait même pas atteint Al-Mud. Et vous savez, Al-Mud, c'est en fait le creux des deux mains. C'est ce qu'on pourrait comparer au creux des deux mains comme quantité. Alors cette montagne-là n'aurait pas atteint Al-Mud d'un des compagnons. N'aurait pas atteint donc Al-Mud d'un des compagnons, et même pas la moitié de cela. Même pas la moitié de cela. Subhanallah. C'est-à-dire qu'un sahabi, un compagnon, il donne en or ce qui équivaut à ce qui est présent dans le creux de la main, ou encore même la moitié de cela, et une autre personne en dehors des compagnons va donner lui une montagne d'or, ce qui équivaut à une montagne d'or, comme Uhud, qui est une montagne, qui est une grande montagne, qui leur a donné lui, ne sera pas équivalent à ce que le compagnon lui l'a donné de par cette quantité, subhanallah. Et pourquoi? Parce que la différence entre ceux qui sont venus après eux et entre les compagnons, c'était bien sûr al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté d'intention dans l'acte. Ils avaient une pureté d'intention, subhanallah. Ce qui nous prouve ici que personne ne peut les atteindre à ce niveau-là. Il nous prouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qu'on ne peut les atteindre. Ensuite, le shir, il nous rapporte une parole de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, qui dit Rawahu Abu Urwa al-Zubayri min walad al-Zubayr kuna anda Malik ibn Anas فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبي غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ذكر والخطيب أبو بكر. Donc il nous rapporte une parole qui est rapportée par Abu Urwa Az-Zubayri et qui est un des enfants de Az-Zubayr. Il dit: nous étions auprès de Malik ibn Anas rahimahullah, et une personne, où ils ont rappelé une personne auprès de l'imam Malik qui disait du mal des compagnons, c'est-à-dire qu'il les rabaissait, yatanaqqas ashab rasulillah, qu'il rabaissait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait l'imam Malik? Il a donc lu ce verset, le verset qu'on étudie, Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu, jusqu'à qu'il a atteint yurjibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Il a dit l'imam Malik: man asbaha min an-nas, celui qui parmi les gens, où il advient dans son cœur une haine, un dépit contre les, contre un des compagnons, alors il a dit, asabatu hadhihi al-aya, c'est-à-dire que ce verset le concerne. Ce verset le concerne. Et dedans, à l'intérieur du verset, regardez, al-amru jiddun khatir, jiddun khatir. C'est-à-dire que c'est une chose qui est très dangereuse, parce qu'il dit ça, l'imam Malik, parce que dans le verset, comme on l'a vu, liyaghidha bihim al-kuffar. Il dit donc que ce verset le concerne, qu'il rentre en fait dans ce verset. Et cette parole-là de l'imam Malik, elle a été rapportée par Al-Khatib Abu Bakr. Ensuite, en expliquant la fin du verset, il dit le shir, donc qui est la parole: Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Il nous dit: Hadha al-wa'd al-karim lis-sahabati jami'an. Cette promesse qui est généreuse et qui est une promesse d'Allah Azza wa Jalla, wa'adallahu, cette promesse, elle est pour tous les compagnons. Elle est pour tous les compagnons. Jami'an, sans exception, tous les compagnons du prophète, ils rentrent dans ce verset, ou sous cette promesse d'Allah Azza wa Jalla. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Il nous rapporte un autre verset qui est également, où Allah Azza wa Jalla cite, et qui est le verset suivant, qawluhu Azza wa Jalla: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. قبل من قبل الفتح. يعني فتح مكة. Avant que Mekka soit ouverte. من قبل الفتح وقاتل. Et qui a combattu. أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie et en degré que ceux qui ont dépensé et combattu après, c'est-à-dire Ba'd al-Fath, après que la Mecque a été ouverte. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et à chacun d'eux, Allah Azza wa Jalla a promis la plus belle récompense. Que ce soit ceux qui ont combattu et qui ont dépensé avant al-Fath, avant l'ouverture de la Mecque, et ceux qui ont combattu et qui ont également dépensé après, Allah Azza wa Jalla tous, à la kulli hal, à tous, même s'il y a entre eux des degrés, Allah a promis la plus belle récompense. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Le cheikh nous cite également une règle ici et qui est importante. Donc on voit que tout le temps, comprendre la langue arabe, c'est très important pour comprendre le Coran. Il nous dit: wa min fiha li bayan al-jins wa laysat lit-tab'id. Wa laysat lit-tab'id. Il dit le cheikh en fait que min huna dans le verset, et il veut dire en fait, le min ici c'est minhum, c'est-à-dire wa'adallahu alladhina amanu wa amilu s-salihati minhum, minhum. Ici donc on a le min. Min, cette particule au niveau de la langue arabe, elle a plusieurs significations. Elle peut avoir plusieurs significations. Il nous en cite deux. Une qui est ici la bonne et qui est la vérité, une qui n'est pas la bonne et qui ne correspond pas en fait au verset. Donc l'une d'elles et qui est la vérité, libayan al-jins, c'est-à-dire mettre en évidence le genre. Le genre. Donc lorsqu'on dit le jins, c'est ce qu'il y a de plus général, al-jins. Et ici, awa jins al-sahaba, c'est-à-dire le genre, ou naqsid al-jins, on a jins al-sahaba, c'est-à-dire tous les compagnons, pour mettre en évidence tous les compagnons, minhum, parmi tous les compagnons. Donc on traduit parmi tous les compagnons, minhum. Et les sat, les tab'id. Donc également parmi. Min veut dire également at-tab'id, ce qu'on pourrait traduire en fait, ou pourrait expliquer lorsqu'on dit min hada, yani ortini min hada, c'est-à-dire donne-moi une partie de cela. Donc en fait, c'est comme si dans cette phrase-là, ortini min hada, c'est-à-dire donne-moi une partie de cela, c'est donc ici, el maqsoud, c'est la partie et pas tout. Donc si on aurait compris le verset dans ce sens ou dans la signification ici de min comme tel, alors on aurait compris certains des compagnons et pas tous les compagnons. Et donc ça, c'est très grave de le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'on comprendrait que la promesse est pour certains des compagnons sans certains autres. Si on aurait compris que min ici, il est tab'id. C'est-à-dire qu'on traduit ici une partie des gens et pas tous les gens. C'est-à-dire ici, plus particulièrement, une partie des sahaba et pas tous les sahaba. Donc ici, on voit bien que al-min, c'est les djinns, aubayan les djinns, c'est-à-dire le jar, tout le jar. Et il va nous donner d'autres exemples, le shir. Des exemples qu'ils ont d'une grande évidence. Parmi les exemples qu'ils nous donnent, fi surat al-ma'ida, qui est le verset 73. يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Le shir veut prendre ici منهم, c'est-à-dire dans la suite du verset منهم. فإن من في قولي منهم لكل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وليست لبعضهم. Donc le shir, il veut par là le terme qui se trouve dans minhum, c'est-à-dire dans la suite du verset wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. On va comprendre minhum, on va pas comprendre une partie et certains d'entre eux, mais tous ces gens-là. Donc ici al-min c'est libayan al-jin, c'est-à-dire le fait de mettre en évidence toute les catégories, ou plutôt le jar même, de mettre en évidence le jar même de ces personnes. Et le jar ici, c'est tous ceux qui ont dit que Allah Azzawajal, comme dans le verset, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a pas de divinité, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, alors qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Donc ici, ils l'ont traduit, bien sûr, d'entre eux, c'est-à-dire tous les mécréants et pas une partie des mécréants parmi ceux qui ont dit que qu'Allah Azzawajal, Allah al-Musta'an, est le troisième de trois. Ta'ala Allah amma yaqulun. Donc également, ça c'est de façon évidente, si on aurait dit minhum, c'est-à-dire une partie d'entre eux, les tab'id, ça aurait voulu dire que certains seront touchés par le châtiment et d'autres ne seront pas touchés par le châtiment, alors qu'ils sont tous des koufars, qu'ils sont tous mécréants de par cette parole-là, et qu'ils méritent tous et qu'ils auront tous le feu et le châtiment du feu par cette parole. Donc ici minhum c'est l'ibayan al-jins, l'il-jins wa laysa lit-tab'id, comme dans le verset qu'on est en train d'étudier. Et il nous rapporte également, il nous rappelle une parole de Ibn Hisham dans son livre Mourni al-Labib. Ibn Hisham, qui faisait partie bien sûr d'un des grands savants de la langue arabe, wa fi kitab al-nasahif li ibn al-anbari أن بعض الزنادقة تمسكوا بقول تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة في الطعن على بعض الصحابة والحق أن من فيها للتبيين لا للتبعيد أي الذين آمنوا هم هؤلاء. طيب. Donc il nous rapporte une parole de Ibn Anbari qui dit que certains des zanadiqa, ils ont pris donc ce verset pour insulter les compagnons. Fit-ta'am à la barre des sahaba, donc pour dévaloriser certains des compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils ont exprimé ou ils ont dit que ici min, comme on l'a dit, c'est min bab tab'id, c'est-à-dire bimarna, certains d'entre eux et pas tous, minhum. Alors que al-haqqu anna min fiha lit-tabyin, donc ici, bien sûr, le min c'est pour donc mettre en évidence tout le jar, c'est-à-dire tous les compagnons. Il nous donne également un autre exemple de verset où le min également veut dire tout et non une partie. Et c'est le verset suivant, qui se trouve surat Ali Imran, et c'est le verset 180 ou 172. يقول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Ceux qui, quoi qu'atteint de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Donc on voit ici minhum lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Donc le terme ici minhum, ça ne veut pas dire une partie de ceux qui ont répondu à Allah Azzawajal, qui ont répondu à l'appel d'Allah et son messager, mais tous, c'est évident. Donc on voit bien ici elmin littabiin wa laysa littab'id. Pourquoi? Parce qu'il nous dit kulluhum muhsinun muttaqun, donc tous les gens qui ont fait la bienfaisance, ahsanu, et ils sont tous des gens qui ont pratiqué à ce moment-là donc la piété, wattaqaw. Et ensuite, il nous a rapporté également le verset que le shir a expliqué auparavant pour nous prouver que le min, cette particule vient pour, dans beaucoup de versets, vient pour exprimer tout le genre de manière générale, c'est-à-dire toutes les catégories de gens et non une partie d'eux. Wallah al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.